glisse sur ma peau. Chaque maillon brûle comme un mot. Je ferme les yeux, je sens ta force. Chaque souffle franchit la porte. The Rider's Kill murmure dans ma nuit. Sa voix rauque ma tâche, me suit. Nos deux corps dansent sous la contrainte. Chaque désir éclate sans plainte. Feel the day. Tes mains me lient, je cède au sort. Chaque frisson devient un accord. Ton souffle dur m'en serre, m'étreint. Chaque mot grave l'interdit en moi. Rider's Kill impose sa chaleur. Sa voix brute consume mes ardeurs. Nos murmures frappent comme des chaînes. Chaque vibration devient haleine. Nos voix éclatent, nos corps s'enflamment. Chaque battement consume nos âmes. Sous la basse, nos souffles se lèvent. Chaque page une ode devient très. Feel the danger. Nos voix s'enchaînent dans le secret. Chaque mot brûle, interdit, muet. Je sens ta force, je plie encore. Chaque note franchit le décor. Rider's Kill m'attache dans la nuit. Sa voix rauque me tient à l'infini. Nos murmures vibrent dans l'éther. Chaque désir éclate en lumière. Nos voix frappent, nos corps s'élancent. Chaque vibration devient jouissance. Sous les chaînes, la fièvre éclate. Rider's Kill règne brutal, opaque. Feel the day. Break the dark. Sous tes chaînes, je me perds encore. Chaque souffle perd plus fort. Rider's Kill brûle dans mes veines. Un chant interdit, une douce chaîne. Rider's Kill. Rider's Kill.